Hey, souffle à la prod. Tout va bien. J'ai dit ma chérie. Ma chérie, tout va bien. Tout va bien. Je dis ma chérie, tout va bien. Tout va bien. Je dis ma chérie, tout va bien. Ne panique pas, celle-là tu t'y attendais pas. Calcule pas les gens, ce soir c'est toi la plus belle. J'ai dit ne panique pas, verre de piña colada. J'ai pas changé, tu me connais de Nancy à Paname. Tu fais quoi ce soir, ma bébé? Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Ça fait longtemps que j'attends, sans ton corps qui m'appelle. Tu fais quoi ce soir, ma bébé? Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Ça fait trop longtemps. J'ai dit, ma chérie, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai dit, ma chérie, tout va bien. Ma chérie, tout va bien. J'ai dit ma chérie, tout va bien. J'ai dit ma chérie, tout va bien. J'ai dit ma chérie, tout va bien. Ne t'en fais pas, je te tiens la main. J'ai kiffé comment tu bouges tes reins. Mais dis-moi d'où tu viens. Je prends un verre histoire de m'en aller. C'est avec elle que j'aimerais m'envoler. Je sais même pas comment je vais terminer. On joue à domicile, toute l'équipe est certifiée. Tu fais quoi ce soir, ma bébé? Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Ça fait longtemps que j'attends, sans ton corps qui m'appelle. Tu fais quoi ce soir, ma bébé? Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Ça fait trop longtemps. J'ai dit, ma chérie, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai dit, ma chérie, tout va bien. Ma chérie, tout va bien. J'ai dit ma chérie, tout va bien. J'ai dit ma chérie, tout va bien. De moi tu sens le danger, danger. Avec moi tu vas jouer, jouer. Et tu vois le temps passer, passer. T'en auras assez, assez. De moi tu sens le danger, danger. Avec moi tu vas jouer, jouer. Et tu vois le temps passer, passer. T'en auras assez, assez. Tu fais quoi ce soir, ma bébé? Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Ça fait longtemps que j'attends, sans ton corps qui m'appelle. Tu fais quoi ce soir, ma bébé? Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Ça fait trop longtemps. J'ai dit, ma chérie, tout va bien.